ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le très long règne de Louis-Alexandre Taschereau. Autant M. Taschereau a pu être clairvoyant, pour ne pas dire visionnaire, quant au développement économique du Québec, autant les méthodes qu'il a pu employer à certains moments, ou les méthodes qu'employait son entourage, parce que ce n'est pas toujours lui, mais son entourage, ont pu être décriées. Et malheureusement, c'est ce qui avait été retenu surtout. Le jugement qu'on portait sur Taschereau était un jugement un peu négatif. C'était une fin assez triste pour Taschereau, qui ne méritait pas ça. Selon l'historien et ex-politicien Denis Vaugeois qu'on vient d'entendre à l'émission Tournée d'Amérique en 1996, l'histoire aurait jugé trop sévèrement Louis-Alexandre Taschereau. On peut probablement en débattre, mais ce qui reste certain, c'est que la chute du long règne de Taschereau aura en effet été brutale. Réélu avec difficulté à l'élection de 1935, Louis-Alexandre Taschereau est forcé de démissionner comme premier ministre dans les mois qui suivent, et en 1936, les libéraux perdent le pouvoir aux mains de l'Union nationale de Maurice Duplessis. Ce monde-là s'est un peu coalisé à un moment donné contre Taschereau. Chez les libéraux même, il y a eu des mécontentements. Les mécontents ont pris comme chef, comme porte-drapeau, Paul Gouin, qui était un homme de valeur, de talent, un esprit très élevé, sans doute pas taillé pour la politique. Des libéraux, donc mécontents, se sont groupés autour de Paul Gouin pour former l'Action libérale nationale. Alors, ce sont tous ces mécontents de l'opposition conservatrice traditionnelle, conduite par Maurice Duplessis, qui était un combattant vigoureux. L'Action libérale nationale de Paul Gouin, les Jeunes Canada, les Jeunesses patriotes, l'Action nationale, les réformistes du programme de restauration sociale, les sociétés nationales même, comme l'Union catholique des cultivateurs, l'Association catholique des voyageurs de commerce, sont mis. Il y a eu un véritable mouvement d'ensemble, un bouillonnement dans la province, qui a fini par emporter le régime Taschereau en deux temps, en quelque sorte, en deux élections, en 1935 et 1936. L'historien Robert Humilly à l'émission Présent en mars 1966. Pour nous replonger dans ces années de règne du Parti libéral de Louis-Alexandre Taschereau, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, également auteur du livre La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Il a été longtemps premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Avec Duplessis, il est parmi ceux qui ont... Je pense que c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Ouais. À partir de 1920 jusqu'en 1936, c'est 16 pourtant, ans. On l'a presque oublié, beaucoup moins connu en tout cas que Maurice Duplessis. Pourquoi? Plusieurs raisons qui peuvent expliquer une telle situation. D'abord, il faut bien comprendre que les médias, hein, ce n'est pas la même chose que sous Duplessis. La radio, 1922, c'est cassé, 1936, Radio-Canada, mais ce n'est pas un homme de radio, Taschereau. Il n'est pas connu de cette manière. Autre chose aussi, on ne fait pas la politique, on le verra tantôt, mais on ne fait pas la politique de la même manière que sous Duplessis. Il y a vraiment un changement de paradigme, en quelque sorte, sous Duplessis. Et troisièmement, je pourrais dire que c'est la fin, peut-être, assez disgracieuse de Taschereau qui porte ombrage à tout son héritage. Donc, ouais. C'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles on peut imaginer qu'on le connaît pas mal moins que ouais. Duplessis. Cette manière de faire de la politique, parlons-en tout de suite, parce que c'est intéressant. Bon, moins grande présence médiatique fait qu'on a une mémoire moins grande de ce qu'a laissé Taschereau. Mais plus que ça, une politique qui se fait de manière plus confidentielle. Taschereau, c'est ça, au fond. C'est notre aristocratie à nous. Le pouvoir lui revient presque de droit divin. Mais ça se passe pour une petite poignée de monde, la politique. Ben, ce sont les grandes familles, hein, même presque depuis la Nouvelle-France, qui sont encore là. Les Taschereau, notamment, on le sait, sont les grands seigneurs de Sainte-Marie-de-Beauce, des juges, des évêques. Le père de Taschereau est juge à la Cour suprême. Ça va de soi. Ouais. C'est une dynastie. Ces gens-là font de la politique et c'est presque tracé à l'avance. Hein. Jean-Charles Bonenfant, qui était historien, le disait bien. On devient député, ensuite on devient peut-être premier ministre. Si on est chanceux, on devient conseiller législatif. Et puis on finit juge à la Cour suprême. Ouais. Le chemin est tracé. Et on fait de la politique comme ça. Et on ne gère pas un État comme le nôtre actuellement. C'est un État qui est beaucoup plus léger, en quelque sorte. Un État de justice, beaucoup moins qu'un État économique. Et on gère pour une clique, passez-moi l'expression. Ouais. Et avec... un dédain, c'est peut-être trop fort, j'allais dire, un dédain du peuple. En tout cas, très peu de transparence, très peu de soucis. Il n'y a pas de contact. Taschereau, c'est un demi-dieu là, c'est dans ça. Sa tête. C'est pas du tout un politicien populiste à la manière d'un Camillien Houde ou d'un Duplessis. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact, mais on ne fait pas de la politique comme ça. Ouais. On est à Québec, on fait de la politique à Québec, et c'est finalement la Grande Allée qui dirige le Québec, en quelque sorte. Ouais. Alors, évidemment, compte tenu de ses origines, c'était inscrit dans le ciel qu'il ferait de la politique. Concrètement, ça commence quand, dans quelles circonstances il s'intéresse à la politique? Ouais. Bon, d'abord, il va faire un peu de journaliste dans un journal partisan, Le Réveil, si je ne m'abuse. Mais rapidement, il se présente. Il est élu finalement en 1900. Hein. C'est donc 1900, il est élu dans le comté de Montmorency. À l'époque, le comté de Montmorency, ça contient notamment l'île d'Orléans. Alors, vous savez, le fameux pont de l'île d'Orléans, là, on parle de troisième lien ces temps-ci, bien, il l'a souvent annoncé, reporté. Chaque élection permettait justement de montrer le lien très fort qu'il voulait créer avec l'île d'Orléans. Il est élu en 1900. Lui, donc, le pont de l'île d'Orléans. Oui, carrément. Hein, ouais. C'est 1935, je pense. Ouais. Alors, il est avocat. Il pratique dans le cabinet de Simon-Napoléon Parent, qui est lui-même premier ministre du Québec au tout début du 20e siècle. Un premier ministre assez important, qui va être maire de Québec. Alors, 1900, il devient ministre en 1907, occupe des ministères des travaux publics, du travail. Il va être plus tard procureur général. Et en 1920, finalement, il devient premier ministre. On lui remet, pour ainsi dire, le poste de premier ministre sur un plateau d'argent, puisque son prédécesseur, le maire Gouin, vient tout juste de remporter les élections. Ah bon. Alors, il est là en 1920. Passation du pouvoir. Oui, et naturellement, doucement. Et c'est important de faire l'équation, parce que c'est le fils politique de le maire Gouin. Les libéraux, Taschereau aurait été là une quinzaine d'années, mais les libéraux, avant que l'Union nationale prenne le pouvoir en 1936, c'est 40 ans de règne. 40 ans, imaginez. C'est quand même énorme. 1897 à 1936, ouais. Ils sont au pouvoir. Ça devient le parti naturel du pouvoir. Ouais. Les conservateurs peuvent obtenir au maximum peut-être 20 députés sur 90 ou à peu près. C'est vraiment pas grand-chose. Ils sont pas très puissants. Oui. Donc, 1920, c'est son tour. Il devient premier ministre, ce qui est assez fascinant quand on regarde ça avec notre perspective actuelle, avec nos yeux d'aujourd'hui. Il est premier ministre. Il est procureur, ministre de la Justice pendant à peu près tout le temps, qu'il sera premier ministre. Puis en plus, de temps en temps, il y a deux, trois autres portefeuilles, là, affaires municipales, des petites affaires. Affaires municipales, le Trésor. Ça nous en dit pas mal sur le genre de premier ministre qu'il est. Quel genre de premier ministre est Louis-Alexandre Taschereau? Bien, c'est un contrôle. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'État à l'époque aussi. Hein. L'image qu'on peut avoir de l'État, c'est une image peut-être héritée des années 60, un État assez lourd, où il y a un filet social. À l'époque, la gestion de l'État est beaucoup plus simple dans une certaine mesure. On délègue beaucoup de choses aux grandes compagnies minières, par exemple. Alors lui, il va gérer d'une main de fer, bien sûr, mais en même temps, ce qu'il gère, c'est pas énorme en bout de piste. Ouais. Hein? Il va laisser beaucoup de marge de manœuvre aux grandes compagnies. Mais tout passe sur son bureau, là. Bien sûr. C'est un pouvoir il contrôle centralisé. Tout. Oui, bien sûr. Et c'est beaucoup plus facile à l'époque. Ouais. Vous comprenez? Économiquement aussi. Ça aussi, c'est un aspect qui, avec nos yeux d'aujourd'hui, encore une fois, peuvent nous renverser. Taschereau est premier ministre. En même temps qu'il est premier ministre, Jonathan Livernois, il siège sur de très nombreux conseils d'administration, compagnies d'assurance, des banques, des compagnies qui font affaire avec le gouvernement. C'est vraiment aujourd'hui complètement invraisemblable. Laurent Laplante, le journaliste et écrivain Laurent Laplante, parle de tout ça à Jacques Lacourcière à l'émission « J'ai souvenir encore » en mars 98. Vous allez voir, c'est intéressant parce que si ça nous semble invraisemblable aujourd'hui, vous allez voir ce que Laplante dit. À l'époque, c'était pas non plus complètement normal. En tant que premier ministre, on le retrouve sur des conseils d'administration de gens qui négocient le gouvernement. C'est ça. Et il se fait verser des jetons de présence. Mmh. Et il le dit publiquement. Alors, quand on dit qu'il faut tenir compte du contexte, les gens n'étaient pas aussi scrupuleux. J'ai beaucoup de difficultés à accepter. Je suis d'accord qu'il faut tenir compte du contexte. Mais Taschereau savait ce qu'il faisait. Il dit « J'ai droit à des jetons de présence. Quand je vais prendre ma retraite, j'aurai besoin de ça. » Bon. Alors, et lorsqu'on lui fait des reproches, lorsque, en chambre, on dit « Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous justifier vos jetons de présence? Vous négociez avec des gens qui veulent faire de l'argent sur le dos de l'État. Vous vous faites payer par eux et après ça, vous allez négocier avec eux. Vous n'êtes pas mal à l'aise. » Alors là, il n'est plus question de dire « L'époque n'était pas sensible à ces dimensions. » L'époque l'était d'une autre manière, mais l'époque l'était. L'époque était sensible à tout ça, et pourtant, ça a existé, oui. Jonathan Livernois. Comment expliquer ça? Encore une fois, ça nous semble aujourd'hui invraisemblable. Et ça voulait dire quoi, là, concrètement, cette proximité entre Taschereau et le milieu des affaires? Bien, c'est comme l'explique Laurent Laplante, c'est-à-dire qu'il est présent dans les conseils d'administration. Et pour lui, c'est ça, il faut bien qu'on... Je suis assez d'accord avec Laurent Laplante, mais en même temps, Taschereau peut voir la chose en se disant, au fond, vous savez, je suis un Canadien français, c'est extraordinaire que le Canadien français soit dans un grand conseil d'administration de la, je sais pas, de la Banque de Montréal, de la Sun Life, de la Liverpool Company. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il le voit pas comme un problème. Pour lui, ça va de soi. C'est sûr que notre vision, je le répète, mais en partir de 30, et les critiques vont beaucoup venir dans les années 33, 34, ouais. 35, où là, on dit, ben là, ça n'a pas de sens. Là, vous êtes dans une... Ces compagnies-là nous ont saigné à blanc, ça va tellement mal dans l'économie. Puis... Parce que si ça va bien, ben, ouais. la question se pose plus ou moins. Ouais. Et là, on va reprocher. Et vous savez, quand Duplessis prend le pouvoir en 1936, c'est une chose qu'il ne fera jamais. Il va faire beaucoup de choses comme les libéraux, mais il n'ira jamais dans un conseil d'administration. Alors ça, c'est une chose qui va disparaître. Ouais. Effectivement, ça nous apparaît presque folklorique. Mais, ouais. mais c'est ça, c'est bien ancré à ce moment-là. Ouais. Il y a deux ingrédients tout de suite. On a vu l'énorme pouvoir qu'il a, bien sûr, avec une machine gouvernementale qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais quand même, ouais. il est premier ministre, ministre de la Justice, la police, deux, trois autres ministères en main, comme ministre, en titre, en plus d'être premier ministre. Cette proximité ouais. avec les milieux d'affaires, il siège sur les conseils des banques, des compagnies d'assurance, ça fait qu'il est vraiment très, très puissant. Et évidemment, ça ouvre la porte toute grande à certains scandales, et il y en a. Ah oui. De toute nature, d'ailleurs. Absolument. Parlez-nous de quelques exemples de scandales importants sous Taschereau. Ben, le premier scandale est un scandale judiciaire. Donc, dès 1920, c'est l'histoire de Blanche Garneau, qui est une jeune femme de Limoilou qui traverse le parc Victoria, qui est assassinée sauvagement, violée. Rapidement, on commence à se poser des questions et on commence à penser qu'il y a peut-être des fils de ministres libéraux qui sont impliqués dans l'histoire. On parle même d'un club des vampires, donc une espèce de club de gens sadiques. Et on accuse Taschereau de faire, comme on dit en latin, un cover-up. Ouais. C'est-à-dire, on va essayer de couvrir la chose. Et il y aura quelque chose d'extraordinaire quand même en 1921 ou 22. Il y aura un procès à l'Assemblée législative. Là, on va accuser un journaliste qui va être en chambre et on va lui dire, écoutez, vous êtes accusé, vous n'avez pas le droit de parler de telle situation, de dire que le gouvernement Taschereau a masqué des choses. Et le type va être condamné, va être envoyé dans les cellules de l'Assemblée nationale qui existe à ce incroyable. Moment-là. C'est à peu près unique dans l'histoire ouais. Politique québécoise. Donc, c'est un scandale qui va durer un certain temps. Scandale financier aussi, c'est l'histoire donc, de la commission des liqueurs. Vous le savez, le Québec, dès 1921, en l'ancêtre de la SAQ, c'est la commission des liqueurs qui est fondée par Taschereau, qui comprend bien tout l'intérêt à une époque où la prohibition est présente au Canada. Est présente également aux États-Unis, bien sûr. C'est extraordinaire. Donc, ça devient un beau pactole ouais. pour les libéraux et pour l'État aussi en même temps. Mais ce qu'on comprend assez bien, c'est qu'en 1924-25, il y a un scandale. On se dit, bon, ben là, il y a de l'argent qui... Ça rapporte beaucoup aux amis du gouvernement. Il y a de la contrebande là-dedans. Mais c'est un scandale qui ne va pas non plus tuer ce gouvernement. Ouais. C'est vraiment le scandale des comptes publics plus tard qui va tuer ce gouvernement-là ouais. parce que la situation a changé, justement. Oui. Mais contrôle politique, on masque des histoires et des scandales financiers. Ça va être ça là, jusqu'à ce que le gouvernement bascule dans les années 30 avec l'arrivée de Maurice Duplessis. Revenons à ce que disait Denis Vaugeois au tout début de l'émission en disant « Taschereau, quand même, c'est l'homme du développement économique. Mm-hmm. » C'est vrai, mais de quel développement économique ouais. parle-t-on? C'est quoi sa vision, Jonathan Livernois, à Taschereau, du développement économique du Québec? Bien, sa vision, c'est de faciliter la tâche. C'est du libéralisme. Hein? C'est de faciliter la tâche aux grandes compagnies qui ont les capitaux nécessaires pour développer. En 1912, le gouvernement de Lemaire-Gouin va annexer Longava, donc tout le nord du Québec. Ça devient un extraordinaire terrain de jeu pour les grandes compagnies anglo-saxonnes. Alors, on veut faciliter. Duplessis va faire la même chose, au fond. Hein. On va faciliter l'accès. On parle même d'Antoine Robitaille, du Devoir, à l'époque, parlait d'un premier plan Nord. Ouais. C'est un peu ça, au fond. Sous Taschereau. Sous Taschereau. Ouais. Alors là, on ouvre évidemment tout ce territoire. C'est donc du libéralisme. Ouais. Il n'y a pas de retombées directes pour les Canadiens français, les Québécois, ouais. ou en tout cas vraiment par la bande. On s'entend. Faciliter le développement économique en permettant aux entreprises, aux grandes entreprises. Aller développer ouais. l'hydroélectricité, évidemment, c'est privé. Ouais. Arrive quand même sous Taschereau, puisqu'on parle d'économie, la Grande Dépression de 1929, la crise économique des années 30. C'est lui qui va devoir ouais. gérer ça. De quelle façon il va composer avec cette situation-là? Avec beaucoup de difficultés, parce que c'est un homme... Bon, il est né en 1867, c'est un homme d'une autre génération, a vu des fluctuations dans l'économie, a vu des crises. On ne peut pas imaginer l'ampleur de la crise qui s'en vient. va gérer un peu difficilement, c'est-à-dire qu'il comprend plus ou moins comment gérer ça. Il y a la loi de l'assistance publique en 1922 déjà, mais bon, on s'en va vers les fameux travaux publics. Ouais. On va développer les routes aussi sous Taschereau. Hein. Il y a un premier développement, mais routier. Mais il est dépassé. Il est dépassé par toutes sortes de mouvements. Rumi, il disait au tout début, il est par sa gauche, par sa droite. Et là, c'est l'usure du pouvoir. Ouais. Pas seulement le sien, mais celui du Parti libéral qui est au pouvoir depuis 39 ans. Puis faut, ça me fait sourire d'imaginer comment Louis-Alexandre Taschereau peut réagir, par exemple, parce que ça va être ça, les années 30, à des manifestations de communistes dans les rues de Montréal, au Québec. Oui, puis il y a toutes sortes de scandales. Il est dépassé. On parle de l'histoire, par exemple, d'un certain Nick Zingtok, qui est un ouvrier polonais qui est assassiné par la police de Montréal dans des circonstances pour le moins nébuleuses, et va dire en chambre qu'au fond, le trouble et le désordre dans la province de Québec, ce n'est pas le fait de la classe de nos bons ouvriers canadiens-français, mais ce sont des étrangers. Alors là, il y a tout... Bon, effectivement, les manifestations communistes... Bon, il n'y a pas des masses, remarquez, là, c'est plutôt des anticommunistes, mais il y a du mouvement ouvrier, là. Ouais. Ça bouge beaucoup. Les gens vont manifester devant le Parlement, les femmes vont manifester devant le Parlement. Et, je le répète toujours, mais 25% de chômage à Montréal, c'est énorme. Il y a quelqu'un à Montréal, justement, qui est un populiste, qui est tout un politicien, Camille Aoud, le maire de Montréal, député à Québec, qui, en 31, va décider d'essayer, à l'élection de 31, de déloger Louis-Alexandre Taschereau. Dans ce contexte-là, il va surfer là-dessus, Aude, hein? Une bonne partie de sa carrière politique, mm-hmm. C'est ça, c'est de surfer sur la crise économique. C'est un peu court, mais c'est ça quand même. Ouais. Ça va donner quoi, cette élection-là? Ben, il passe pas très près de gagner. Et on va... Même si c'est Camille Aoud. Même si c'est Camille Aoud, c'est ce qui est merveilleux. Il va perdre même ses élections en 31, il va perdre lui-même, je pense, parce qu'il est remplacé par Duplessis par la suite, en tout cas. Mais chose certaine, c'est une machine extraordinaire, la machine libérale. Ouais. C'est énorme. On parlait de la police tantôt, mais la police provinciale, c'est une police politique, tu Louis Jargaille. Et on va retrouver à peu près la même chose sous Duplessis avec un autre chef de police, évidemment. Mais alors, imaginez la machine, comment ça fonctionne. En 35, ils auraient dû perdre, mais par toutes sortes de fraudes, par toutes sortes d'actions de la police provinciale, ben, ils vont quand même gagner les élections en 35. Mais ils vont en sortir très fragilisés de l'élection de 35. Un petit mot qui va nous amener à 35 avant d'arriver à cette élection-là. Robert Humilly disait, ça se fait en deux temps, la chute de Taschereau, l'élection de 1935, puis la suivante en 1936. Mais qu'est-ce qui nous conduit à 35? C'est le mécontentement. Ouais. Un peu partout, M. Humilly en parlait aussi. Au sein même des libéraux, ça commence là, au début des années 30. 34, ça va prendre quelle forme? Ça va donner quoi, ce mécontentement-là? Bien, d'abord, il y a ce groupe de dissidents. Ce sont les gens qui vont... Enfin, ces gens-là vont fonder en bout de piste l'Action libérale nationale. C'est Paul Gouin qui est le fils de l'Homère Gouin, qui est très réputé, très respecté. Ces gens-là sont très près, donc, des mouvements... Rumilly évoquait effectivement l'école de... Enfin, c'est le programme de restructuration sociale des jésuites. Donc, toutes sortes de mesures un peu à gauche, entre guillemets, des mesures plus conservatrices, mais on veut vraiment sortir du grand capital. On veut, évidemment, pas verser dans le communisme, loin s'en faut, mais on cherche des solutions. Ouais. Et ces gens-là vont représenter ce renouveau. Évidemment, c'est très tentant pour un Duplessis à côté qui dirige un parti conservateur qui n'est pas capable vraiment de se distinguer des libéraux, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre, c'est pas le Parti libéral de René Lévesque ou de Jean Lesage. C'est un parti libéral très conservateur qui fonctionne, qui a beaucoup de succès, imaginez-vous, dans les campagnes, alors que dans les villes, ce sont les conservateurs. C'est ça l'époque. C'est un gouvernement qui est plutôt très conservateur, disons-le. Ce qui fait que Duplessis va faire une entente avec Paul Gouin. Oui, c'est ça. Et c'est donc cette entente où on ne se nuit pas. Si jamais on gagne les élections, ben Duplessis sera le premier ministre, mais Gouin va choisir les ministres. Ça fonctionne presque en 1935. Ouais. Presque. Presque, mais non. Peut-être que, vous l'évoquiez, des manœuvres électorales, mais les libéraux passent, mais ébranlés. Mais Taschereau, quand même, réussit à conserver le pouvoir à l'élection de 1935. Mais c'est le début de la fin, quand même, parce que Maurice Duplessis arrive en force et il y aura ce fameux comité des comptes publics qui fera la différence. Je dis encore une fois au gouvernement que nous allons aller jusqu'au bout, et ça, malgré tous les obstacles. Et quand on en aura fini avec cette enquête, la province en aura fini avec le Parti libéral! Vous imaginez pas que vous allez faire le polisson avec nous? Si vous pensez que les hurlements peuvent nous impressionner, vous vous trompez. C'est le pouvoir que vous voulez. Eh bien, vous ne l'aurez pas! pas le pouvoir qu'on veut, c'est la justice. Nous sommes encore au pouvoir et nous allons y rester. Bravo! Ben, c'est ça que vous êtes, des restants. Puis si vous êtes si confiants, faites-en donc des élections. On les fera, les élections, en temps et lieu. Et en temps et lieu, on les gagnera, les élections, comme on les gagne depuis 39 ans. Faites-les, vos élections, puis on verra. Une bande de trous de cul! Faites donc ça pour moi! Extrait de la mini-série Duplessis, écrite par Denis Arcand, réalisée par Marc Blanford en 1978. On y entend un échange entre Maurice Duplessis, donc interprété par Jean Lapointe, et Louis-Alexandre Taschereau, interprété par Camille Ducharme, lors de ce fameux comité des comptes publics. Quelle importance va avoir ce comité-là dans la chute de Taschereau? Ben, c'est la chute. Il faut bien le voir. Il est élu en 35. Théoriquement, il peut encore manœuvrer pendant 5 ans, mais rapidement... Duplessis extrêmement brillant, c'est-à-dire convoque ce comité des comptes publics qui ne peut généralement pas convoquer parce qu'il n'a pas assez de députés, puis c'est beaucoup de travail. Je vous dis, pour les avoir consultés, les comptes publics, ça n'a aucun sens. C'est des pages et des pages de... On a acheté tant de crayons. Alors, pour que Duplessis trouve des choses là-dedans, c'est un travail de moine. Ouais. Mais là, il a les moyens de le faire. Et il montre toutes les turpitudes du régime et va du côté, évidemment, des dépenses du département de la colonisation et voit comment c'est mal géré et dénonce toutes sortes de malversations. Et là... Taschereau n'a pas le choix, là. Ouais. Il doit réagir. On remonte jusqu'au frère de Taschereau. C'est là que ça meurt, vraiment. Ouais. C'est Antoine Taschereau, effectivement, qui est le comptable de l'Assemblée nationale, qui est complètement désarçonné devant la commission. On pense aussi qu'il y a une influence d'Ottawa, aussi des libéraux fédéraux, là, qui vont dire ben, ça suffit. Là. Ouais. Donc, tu dois te retirer. Et donc, parce que malversation, mauvaise utilisation des fonds publics, Taschereau doit partir. Qu'est-ce qu'il devient, Louis-Alexandre Taschereau, après son départ de la politique? Ben, il va beaucoup voyager, hein? Ça va bien. Vous savez, on parlait du jeton tantôt. Ouais. Sa vie se passe plutôt bien. Encore la grande maison sur Grand Allée. Il va beaucoup. C'est un grand amateur de pêche, hein? Vous savez. Il y a des très belles images de lui, très avec le port altier, avec son saumon. J'apprécie particulièrement l'interprétation de Camille Ducharme parce que ça représente exactement le grand seigneur. Grand seigneur. Ouais. Qui disait Jacques Ferron, c'est une citation que j'adore. Qui disait au fond, il craignait moins une révolution que de se faire surnommer Alex. C'est ouais, extraordinaire. Ça dit tout, je pense. Ouais. Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuel à l'Université Laval, auteur, je le rappelle, du livre « La révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme ». Merci beaucoup. Merci Jacques Beauchamp. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Alain Collin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.